l'idée, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Et s'ils cherchent un responsable, dites-le, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduit là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et toi, tu la sens, la liberté? Donc, pour cette nouvelle émission, on est allé à la conférence de presse du collectif Boucherie Abolition, dans le cadre de trois actions qui ont été faites en mars-avril. Et du coup, nous avons... intégralement enregistré la conférence de presse. Et dans ce cadre, nous avons sélectionné les éléments les plus pertinents. Donc le 21 mai, les forces armées, la gendarmerie d'État, a opéré à une descente. À une descente, donc synchronisée partout en France, Tours, Nice, Toulouse, Paris, Île-de-France, et sont donc pour une perquisition, ils sont rentrés dans le domicile à 6h du matin, donc dans des... Pardon ? Brest. Pardon. Et Brest, excuse-moi Jeff. Oui. Donc qui se sont passés pour certains avec violence policière. Donc, nous avons été donc perquisitionnés avec toute une série de confiscations. Confiscations qui ont été justifiées au bénéfice de l'enquête. Or, il ne peut y avoir d'enquête, puisque tout est revendiqué publiquement, sur les réseaux sociaux, dans certains médias, et donc que le domaine public en sait plus que n'importe quelle enquête de gendarmerie peut amener de nouveau. Puisque nous opérons à une résistance à visage ouvert, puisque ce n'est pas à nous d'avoir honte ou de nous cacher, mais bien à la résistance, à la violence humanocrate qui exercée par l'État et tous les acteurs du système spéciste, du système mi-zone. Donc, voici la liste des choses qui nous ont été confisquées. Ouais, donc, ce qui a été donc volé par la gendarmerie ce matin-là, donc il y a un peu tout. En gros, voilà, il y a eu une douzaine de pancartes de visuels politiques, donc pour la plupart qui n'avaient absolument rien à voir avec les actions pour lesquelles on était incriminés. Une centaine de t-shirts militants, de bracelets, badges, etc. Donc il y en a pour une valeur marchande d'environ 2000 euros. Des banderoles, pareil, avec des messages politiques, des guirlandes de Noël, du matériel vidéo, deux GoPro, un appareil photo, un drone, une valeur de 700 euros, passez de l'autre côté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de l'autre porte. Deux téléphones portables, valeur de 1500 euros. Des vêtements militants d'autres associations. Donc, il n'y a absolument aucun rapport avec Boucherie Abolition. Et voilà, donc tout ça, je vous ai fait une listing en gros. Tout ça, c'était financé par des dons d'animalistes, de militants et de militantes. Et donc, ce 21 mai 2019... Il est scellé des voitures. Oui, pardon. Et deux véhicules scellés. Donc pas avec des prix, mais scellés, c'est-à-dire qu'on peut plus utiliser. Il y en a deux, évidemment, qu'on conteste, qui sont le vol aggravé. Alors, vol aggravé, c'est parce que nous avons libéré deux individus du nom de Louise et Rosa, de d'Inde, qui avaient été libérés, sauvés en décembre, et qui avaient été placés grâce aux bons soins de Marilyn, ici présent. Voilà. Voilà, alerte enlèvement là. Voilà. Et qui avait été placée donc, dans un espace sécur pour elle, où elle pouvait commencer à vivre. Et ce même jour, les forces armées se sont déplacées pour venir chercher Louise et Rosa. Donc deux gendarmes qui avaient peut-être des dindes dans le ventre sont venus prendre Louise et Rosa. Hein. C'est ça la situation tragicomique d'un monde spéciste. Et donc évidemment, ils n'en ont que faire, mais c'est une façon bien sûr d'intimider les refuges qui accueillent les rescapés des camps de la mort. Voilà, et une humiliation évidemment pour la résistance animaliste. Nous avons refusé de répondre à ce chef d'inculpation, bien évidemment, puisque nous avons fait relever aux forces armées que leur énoncé accusatoire était incorrect grammaticalement, puisqu'on ne peut pas voler des individus, qu'ils sont inappropriables, on ne peut donc pas voler de dindes. C'est impossible. Sortir du discours pédagogique parien sur le temps et le dénoncer comme obscène compte tenu des millions d'assassinats et de tortures journalières. La forme du tractage informatif contredit l'oppression qu'il veut dénoncer. Éduqué à l'illégitimité du cannibalisme ne prend pas en compte l'effroi de son exercice quotidien. Rien de leur toute puissance de vie ou de mort sur le corps des zoonimaux. Enfin, et c'est là notre désir le plus fou, nous misons sur l'émulation de lutte et non sur les rivalités entre luttants, sur les partenariats solidaires et non sur le suivisme idolâtre à tel ou tel. La pensée étant résistance, nous souhaitons que le mouvement animaliste, radical, universaliste, abolitionniste des privilèges humains enfle fort de tout son esprit critique, endurant, courageux et créatif. Aucune combattante ne doit laisser son cerveau de côté et se rigidifier en soldat ou dupliquer l'indignation en suivisme scolaire. Chaque compétence, chaque désir, chaque invention, chaque originalité, chaque spécificité, chaque cri sera indispensable pour sortir les zoonimaux de la norme barbare. Soyons tous des figures de résistance pour être au niveau d'audace suffisant pour renverser ce pilier de civilisation. Fuyons les modes libérales, anthropocentrés, spécistes, véganes qui inversent causes et conséquences. Laissons-les s'autocongratuler d'être passifs, abstinents pour les animaux dans la guerre. Fuyons l'immobilisme philosophique de la question animale. Fuyons la complaisance dans le descriptif de la condition animale. Échappons même alors à l'euphémisme de la cause animale pour entrer avec urgence et acharnement dans le combat contre la extermination animale actuelle. Ils sont mis en esclavage dans les camps concentrationnaires, vite, en transit. Chaque animal compte, donc chaque seconde compte. Qui d'autre que toi peut les libérer? Qui d'autre que toi pour leur libération? Étant entendu que si l'État continue sa répression et que cela se solde par de la prison ferme, dès le premier jour d'emprisonnement, les résistants de la lutte animaliste entameront une grève de la faim pour les esclaves d'engraissement, dont certains d'entre vous ici présents entameront une grève de la faim. Alizé Denis, Solvay Gallois, moi-même, Zoé Plisson, qui se bat aujourd'hui contre la corrida, Gérald Ferreira, qui se bat aujourd'hui contre la corrida, Sébastien Michelangeli, Isabelle Alexis et Jeff Labion. Et enfin, Barbara Pélissier. Et encore, Thierry Van Koppen. Ou tout autre candidat à la grève de la faim contre l'esclavage d'engraissement, soyons nombreux. Nous demandons à l'ensemble des peuples du monde de rentrer en résistance. C'est ça qui fait figure de soutien. C'est pas nous qui en avons besoin, ce sont les milliards de victimes. Il faut donc abolir l'élevage parce que c'est indispensable. Nous appelons à la désobéissance civile générale. S'est déroulée la marche pour la fermeture des abattoirs qui a eu lieu sur la place de la République à Paris. Et du coup, c'était une occasion pour de nombreux militants de la cause animale de se retrouver ensemble pour dire leur opinion vis-à-vis de l'exploitation des animaux. Et du coup, c'était une occasion en or pour faire passer certains messages. Et que, du coup, on en est arrivé au fait que les militants de boucherie abolition sont montés sur la statue de la République et ont déployé une banderole. Ils y ont déversé des seaux le long de la statue de la liberté de la République. Et ensuite, ils ont arrosé à coups d'extincteurs cette dernière. Donc, faut savoir, c'est que comme je suis membre du collectif Boucherie Abolition, je n'étais absolument pas au courant de ce qui allait se passer. Ensuite, cette action, à qui se destinait-elle ? Elle s'est destinée aux personnes qui étaient à la marche, pour les demander d'augmenter leur activisme, notamment dans le cadre d'ouverture des fermes, puisqu'ils avaient une banderole qui s'appelait Open the Farms, et que ils ont allumé également des fumigènes et que ensuite ils ont été arrêtés après avoir été félicités par le public. Et du coup, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux sur la question de l'ensanglantement de la statue de la République. Parce qu'il faut savoir que la statue de la République, c'est pas n'importe quelle statue. C'est une statue qui représente l'ensemble de l'histoire de la République durant ces différentes phases, même si la Commune de Paris est totalement absente. Ensuite, ils sont accusés de dégradation de biens commis en réunion, alors que dans l'heure qui suivait, les services de propreté de la ville de Paris ont nettoyé la statue à coups de Karcher et que cela leur a pris entre une heure et demie. Donc on peut aussi se poser des questions évidemment sur l'acharnement un peu policier dont ils le font face. Donc le 9 juin 2019, un appel de soutien au commissariat du 17e a été lancé par l'association Boucherie Abolition, ce qui, à mon sens, est vraiment trop tard, vu qu'il aurait fallu se mobiliser hier à partir de 17h-18h, quand nous avions directement les informations, afin de mobiliser le plus de monde. Les camarades, ils ont été déférés au tribunal de Paris, qui se situe près de Clichy-Levallois, et qu'ils ont vu le procureur et le JLD. Donc une manifestation a eu lieu devant le tribunal de Paris pour d'une part les accueillir, mais aussi montrer leur soutien et la détermination des activistes afin d'argumenter le fait que malgré la répression policière, que l'activisme antispécisme ne baissera jamais les bras et que du coup, dans ce cadre, la lutte va continuer et risque de s'intensifier dans les jours qui viennent et les mois qui viennent et sûrement la prochaine décennie parce que il va falloir vraiment en terminer avec le spécisme. Ensuite, il est vrai que l'action a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux avec des personnes dont nous ne partageons pas forcément l'analyse. Donc, un des posts a attiré notre attention. C'était celui de Gad Veil, qui est membre du MJLF. C'est le mouvement juif libéral de France. Et que dans ce cadre, nous avons ouvert le débat avec lui, puisque celui-ci a lancé un long post critiquant l'action et affirmant qu'il y avait une certaine forme de totalitarisme. Évidemment, nous sommes totalement opposés à cette logique-là. Parce que actuellement, il s'agit d'un mouvement vachement ouvert. Alors, il est d'accord pour que l'on discute ensemble. Nous avons eu une conversation sur Messenger de Facebook. Et dans cette conversation, il nous a trouvé un créneau entre le 21 et le 23 juin. Donc ce sera une occasion de discuter avec lui et de lui donner la parole afin d'avoir un débat contradictoire dans le respect des idées. Donc pour couper l'émission, on va s'écouter une musique yiddish du Bund. Et moi, je vous retrouve à tout à l'heure. Tu la sens la liberté. Nous nous sommes entretenus avec sûrement un des responsables de l'association Animalize. C'est une association qui est basée à la faculté de Strasbourg. C'est une association de loi de 1901. Et comme j'ai appris à travers les photographies que j'ai fait de la manifestation pour la fermeture des abattoirs du 8 juin, que cette association existait, je me suis dit, finalement, ce serait intéressant de leur donner la parole. Parce que il existe plein d'associations étudiantes, mais il existe très peu d'associations étudiantes antispécistes. Alors, dans un monde ultra-spéciste qui devient de plus en plus oppressant, bah, c'est quelque chose de vraiment pas mal. Du coup, je vous propose d'écouter l'entretien qui fait quasiment 35 minutes. Et ensuite, on s'écoutera une petite musique de Björk. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Comme je vous ai photographié à la manifestation pour la fermeture des abattoirs samedi, j'ai vu que vous étiez un collectif ou une association qui étaient de jeunes étudiants. Et justement, ça m'intéressait particulièrement pour comprendre la démarche intellectuelle, pour savoir comment des jeunes qui ont, disons, entre 16 et 23 ans, arrive à s'intéresser à l'antispécisme et à l'animalisme. Oui. D'accord, bah, du coup, je te réponds maintenant. Ouais. Ok, d'accord. Donc, pourquoi on a créé l'asso, tout simplement pour... Donc, à Strasbourg, en fait, il n'y avait pas de, il y a pas de, d'association étudiante antispéciste. Donc, on a voulu créer quelque chose qui puisse fédérer les étudiants antispécistes à Strasbourg, donc à l'université et à Sciences Po Strasbourg. L'idée, c'est de à la fois d'enrichir la vie universitaire en proposant une autre association et de faire connaître la lutte, parce que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas l'antispécisme, donc sensibiliser les étudiants à cette cause, mais aussi de faire converger les luttes entre elles, que ce soit féministe, écologiste. Donc, on a aussi, dans l'objectif de la création d'asso, c'est dénoncer aussi les activités qui sont celles de l'université, qui sont spécistes, en fait. Donc, que ce soit dans la recherche fondamentale, dans l'enseignement, avec les dissections, tout ça, ou à l'université de Strasbourg, avec le commerce de singes qui est fait à travers le centre de primatologie de l'université. Et au niveau de l'université de Strasbourg, c'était pas elle qui avait des organes de personnes qui ont été gazées pendant la Shoah, si je me trompe pas. Alors, ça, je sais pas trop. Je sais qu'il y a eu, il y a eu des expérimentations sur les humains pendant la guerre. Mais je ne suis pas renseigné là-dessus particulièrement. Ok. Et ça fait combien de temps que l'association existe ? Ça fait depuis octobre de l'an dernier. Ok, c'est une jeune association alors. Exactement. Et vous êtes combien dans l'association avec une carte ? Oui, on est environ 35-40 membres. Et vous avez combien de personnes qui vous soutiennent ? En fait, on a plus de 400 personnes qui nous soutiennent et qui nous suivent. Voilà, donc pour une jeune asso, c'est pas mal. Et je suis allé sur le web, j'ai vu que vous aviez pas de site internet ni de blog. Comment ça se fait ? Non, bah on Facebook, pour l'instant, nous suffit pour communiquer sur nos événements et nos actions. On n'a pas ouvert de blog à présent. On compte créer une newsletter à envoyer à nos membres. Mais voilà, tout ce qu'on fait, on le met sur Facebook et sur Instagram aussi. Et sur la newsletter, vous allez utiliser l'outil Rise Up ou pas ? On y pense, oui, on y pense. On est en train de la conceptualiser là. D'accord. Parce que Rise Up, c'est un outil militant open source. Ouais. Ouais, ouais. Ben, je le connais, oui, je connais, mais on ne s'en sert pas. Et j'ai vu que vous écriviez quand même des articles sur Facebook. Vous avez l'intention d'augmenter la cadence ou c'est juste un article par-ci, un article par-là ? Oui, alors pour l'instant, on a écrit un article sur tout ce qui est le vestimentaire, le côté vestimentaire, et un article sur Yannick Jadot, par contre, en particulier. On a prévu d'écrire plusieurs articles, notamment cet été. C'est dans nos projets aussi. Ouais. On a beaucoup de projets, donc c'est du travail de coordination après. Oui, ça fait partie de mon projet. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez votre position sur l'écologie politique? Oui, sur l'écologie, eh bien, on est dans nos valeurs, dans la charte qu'on a créée, on prône la décroissance, parce qu'on pense tout simplement que aujourd'hui le modèle économique qu'on a ne permet pas d'être en accord avec l'idée d'avoir un développement soutenable en fait. Donc, par exemple, on connaît le jour du dépassement. L'an dernier, c'était le 1er août. Donc, le jour mondial du dépassement, c'est quand en fait, on arrive à une période dans l'année où on a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en une année. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on se dit que cette année, sûrement, il va y avoir un. Donc, la croissance économique, pour nous, elle n'est pas viable dans cette optique-là. Et on s'estime aussi anti-consumériste. Donc, on prend le consommer moins. Alors, il y a le consommer mieux, mais il y a aussi surtout le consommer moins. Et le zéro déchet, tout ce qui est zéro déchet, une démarche zéro déchet, pour nous, c'est important. Et après, le véganisme, évidemment, comme sur le plan de l'écologie, c'est quand même ce qui permet de réduire son impact écologique de façon drastique. C'est animal qui émet le plus de gaz à effet de serre, beaucoup plus que les transports. Tous les transports réunis. Donc, dans tout ce qu'on fait, on a une démarche qui vise à réduire notre empreinte écologique, que ce soit individuellement ou même dans le cadre de l'association. Et on prône ces idées-là, quoi, l'écologie. Et comment vous abordez la décroissance? La décroissance, si vous voulez, c'est. On dit que la croissance économique, ce n'est pas un objectif en soi. Donc, on priorise le remboursement de la dette écologique à la dette économique. Mais dans nos actions, on n'a pas fait d'action en particulier visée sur la décroissance, puisqu'on reste une association antispéciste en premier lieu. Mais on fait converger les luttes et on contacte les associations écologistes. On a travaillé avec Alsace Nature. On va organiser un week-end de convergence des luttes aussi à la rentrée. Avec plein d'associations de beaucoup de différences, mais dont les écologistes. Et donc voilà, on pourrait très bien par exemple organiser ce genre de débat sur la décroissance, par exemple. Et sur la ligne politique, vous vous situerez plutôt à gauche ou plutôt à droite? Alors officiellement, on est une association apolitique, parce que ça c'est un peu la règle des associations étudiantes. Mais oui, on est sur le plan de, comment dire, on n'est pas censé se positionner, mais évidemment qu'on prône l'anticonsumérisme, ça s'inscrit plutôt contre le capitalisme, donc ce serait plutôt à gauche, mais on n'est pas fermé. À partir du moment où les militants sont antispécistes, ils peuvent rejoindre l'association, donc je voudrais très bien quelqu'un de libéral entrer dans l'association pour défendre l'antispécisme. Très bien. Et au niveau des actions que vous menez, quelles sont les actions sur le plan de l'antispécisme? Ouais, on organise, alors dans le cadre du champ académique, on organise des conférences. Cette année, on en a organisé une sur le trafic animalier. On en a organisé une pour présenter aussi des ONG comme l'organisation 269 Life France ou Sea Shepherd. On a organisé des débats aussi, des projections de films. On a la maison Mimir à Strasbourg qui nous laisse, c'est une maison autogérée qui nous laisse une salle et on fait un événement à prix libre avec de la nourriture et un film. Et à la fin de chaque film, on débat sur ce que nous a apporté le film. Et c'est des moments assez intéressants. On fait toujours un live sur Facebook pour suivre nos débats. Et sinon, principalement, on fait des actions directes sur le campus de l'université. Donc, à l'université de Strasbourg, il y a ce commerce de singes qui est fait par l'université. Donc, ils importent des singes de l'île Maurice et du Vietnam pour les élever et pour les vendre à des laboratoires pharmaceutiques dans un commerce actif. Donc, nous, on est contre ça et on a fait des actions pour sensibiliser les étudiants, les informer déjà du fait que ce plastique existe et proposer à l'université, parce que ce n'est pas du tout la prérogative de vendre. Ce n'est pas le rôle. Donc, dans ce centre-là, ils enferment jusqu'à 1600 singes. Et donc, nous, on a fait des actions. On a organisé une performance sur le campus. C'est une performance avec des masques de singes, on défilait avec des chaînes, et ensuite on allait vers les étudiants et on leur expliquait ce qui se passait. On a fait des interventions dans les amphis. Et récemment, on a aussi fait une intervention au siège de la présidence de l'université, avec des cris de singes enregistrés, et on a fait un die-in, donc on s'est allongé par terre dans le hall de la présidence pour faire comprendre en fait à la présidence que on était contre en fait ce centre-là. Que la présidence ne nous répondait pas, on l'avait sollicité plusieurs fois. Et la présidence refusait de nous écouter, donc apparemment ils vont avoir un congrès presque prochainement pour discuter sur le futur de l'université et le rôle qu'elle pourrait prendre dans le développement de méthodes substitutives par rapport à l'expérimentation animale. Mais voilà, donc on essaie d'inscrire quand même notre action dans le champ universitaire avec donc principalement l'expérimentation animale, hein, qui est la pratique spéciste de l'université encore aujourd'hui. Et on soutient aussi des associations comme Assiette Végétale qui luttent pour la végétalisation des repas au restaurant universitaire. Mais dans notre discours, évidemment, on axe quand même sur le pilier central, entre guillemets, qui est l'exploitation des animaux pour l'élevage, parce que c'est quand même ce qui tue le plus aujourd'hui d'animaux. En France, c'est 3 millions par jour. Ça reste une des priorités en termes de... c'est-à-dire que c'est pas une priorité, mais ça reste l'activité qui tue le plus, qui fait le plus de victimes aujourd'hui. Mais évidemment, l'expérimentation animale, c'est un gros problème aussi qu'il faut adresser. Et comment les étudiants ils perçoivent vos actions de façon globale? Est-ce qu'ils se posent des questions? Ils se remettent en cause? Ou est-ce qu'ils vous prennent un peu pour des ululus berlus? Non, on est plutôt bien reçus dans nos actions. On est soutenus. Alors, il y a parfois des débats où les gens ne sont pas d'accord. Mais dans la majorité des cas, les étudiants sont assez ouverts à ça. Et c'est ce qui nous plaît, en fait, de voir que les gens arrivent quand même à intégrer les animaux dans leur sphère de considération d'autrui, en fait. Et donc, ils se questionnent, beaucoup se questionnent, parce qu'ils ne sont pas, à cette nouvelle idée que les animaux ont des droits et des libertés, et qu'il faut les protéger. Et du coup, c'est une démarche. Nous, on est radicaux, mais on est ouvert au dialogue, évidemment, avec les étudiants qui se posent des questions. Et parfois, nous témoignent de leur spécisme, mais ils s'interrogent, en fait. Ils prennent acte du fait qu'ils peuvent parfois être discriminants vers les animaux, mais toujours dans une démarche ouverte. Et donc, c'est ce qui nous plaît, avoir ce dialogue avec les étudiants. On a parfois des étudiants qui viennent à nos projections de films et qui, après, nous disent « Mais moi, j'aime manger de la viande et tout ça. » Et donc, on leur explique, en fait, en quoi ça pose problème. Et on peut avoir un débat constructif par rapport à ça. Et quelles sont les limites de votre soutien dans les actions abolitionnistes? Les limites, c'est le nombre de participants. Parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent spécistes, mais finalement, il y en a très peu qui osent agir. Donc... notamment les véganes, je pense que beaucoup de véganes sont spécistes, mais restent un peu dans la passivité en termes d'action et n'osent peut-être pas assez sortir dans les rues et nous rejoindre dans nos actions. Et ça, c'est ce qui est un peu dommage, c'est-à-dire qu'on serait beaucoup plus, notre message serait beaucoup plus percutant si on était plus nombreux. Bon, il y a aussi le fait que en tant qu'étudiant, on a beaucoup de choses à faire, parfois on travaille, on a donné quelques examens, donc c'est une des limites, oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de l'action qui a été faite samedi sur la place de la République? Juste... C'était très bien. D'accord. Ah, l'action du sang sur la statue. Oui, du sang sur la statue. D'accord. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une action assez percutante. C'est pas de la dégradation, parce qu'on parle de faux sang, donc c'est quand même... Le faux sang, c'est utilisé par plusieurs associations, c'est quelque chose qui est lavable à l'eau. Donc en soi, nous, dans notre association, on ne fait pas d'actions qui tiennent de la dégradation. C'est-à-dire qu'on s'est renseigné sur exactement ce que ça signifie la dégradation au point de vue juridique, et on ne le fait pas parce que, tout simplement, on ne peut pas prendre le risque d'avoir des amendes et de devoir utiliser les dons qu'on nous fait comme moyen de paiement de nos amendes. Mais en soi, oui, la désobéissance civile, on est tout à fait pour. C'est important de désobéir aux lois qui sont injustes et de parfois de faire passer notre message de façon qui soit assez visuelle et impactante, oui, effectivement. Ok, donc, Parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même eu un débat antérieur à l'action. Et c'était intéressant de savoir votre position. Un débat par rapport à cette action-là ? Ouais, par rapport à cette action-là, parce que c'est la grosse action de la semaine, on va dire. Nous, on était sur la place à la butte, on n'était pas au courant que ça allait se passer, donc on l'a découvert en même temps que beaucoup de gens qui étaient sur la place. Donc on s'est pas fait d'avis antérieurement à l'action. D'accord. Et aussi, une autre question, qu'est-ce que vous pensez des animaux de compagnie ? Les animaux de compagnie, c'est des animaux qui sont domestiqués. Donc il n'y a pas de problème à avoir des animaux de compagnie, puisque on est dans le cadre d'une relation, dans notre spécisme, on ne coupe pas toute relation aux animaux. Donc au contraire, avoir des animaux de compagnie, ça ne pose pas de problème. Et puis, à partir du moment où on ne les achète pas, il faut les secourir ou les adopter. Mais il ne peut pas y avoir un rapport marchand avec l'animal de compagnie. Voilà. Et puis, évidemment, si on peut éviter de leur donner de la nourriture qui soit faite à base de cadavres d'autres animaux, c'est quand même intéressant. Donc, il y a des alternatives aujourd'hui qui existent pour les chiens, les chats, les croquettes véganes. Mais oui, en soi, les animaux de compagnie ne posent pas de problème. C'est-à-dire que vous privilégierez plutôt les animaux de compagnie herbivores que carnivores ? On privilégie rien, parce qu'à partir du moment où un animal est dans le besoin, il faut privilégier sa sécurité. On ne va pas euthanasier tous les animaux qui ne seraient pas herbivores. Non, mais je disais s'il fallait faire un choix. Je ne pense pas que la question se pose en vérité. Ok. Ouais, je pense que les animaux, il faut les sauver de leurs conditions d'exploitation quand c'est nécessaire. Et voilà, et puis après, c'est sûr que ça pose des questions sur le... Enfin, après, il faut s'en occuper, quoi. Il faut être sûr de pouvoir s'en occuper. Ça, c'est le gros enjeu des sanctuaires. Et toi, tu as un animal de compagnie ? Oui, j'ai une chatte. Okay. Que j'ai secouru dans la rue, qui traînait près d'une école primaire et qui a été appelée par le gardien, qui avait menacé de l'empoisonner parce qu'ils en avaient marre de l'avoir là. Et du coup, avec ma mère, on s'est posé la question, on l'a secouru. Ça fait 2 ans qu'on l'a là. Ok. Moi aussi, j'ai un petit chat, ça fait 6 ans que je l'ai. Ah ouais ? Je l'ai pris, pas dans un refuge, mais... d'une amie qui a eu plein de portées et qui faisait office de famille d'adoption. Oui, c'est bien. Et que j'ai fait 400 bornes pour avoir mon chat. Ouais. Et du coup, t'as dû la castrer. Enfin, c'est un mâle ou une femelle ? C'est une femelle et je l'ai eu tout bébé. Ouais. Et quand elle était en âge de procréer, je l'ai fait stériliser. Ouais. D'une part parce que avoir une portée, c'est très compliqué, d'une part pour le chat, mais ouais. Aussi les chaleurs de la femelle, de la chatte, ouais. c'est vraiment très compliqué à gérer. Exactement, oui. C'est des semaines où on dort pas du tout et je sais que de mémoire une fois elle a fait 2 crises de chaleur d'affilée et 2 semaines sans dormir, c'est à se tirer une balle dans la tête. Ah ouais, quand même. Donc elle est stérilisée, elle est toute petite et elle va très bien. Ok, bon, c'est super. Et elle se sociabilise un peu parce qu'elle était un peu sauvage quand même. Ah oui. Ouais. Okay. Comme j'ai eu des problèmes médicaux, je suis allé en clinique et mes parents l'ont accueillie 6 mois à peu près. Et depuis, elle est vachement plus calme. Ok. Bah, c'est cool. Mais ça reste un tout petit chat, quoi. Ouais. Donc, ça a la taille d'un chaton de 6 mois, à peu près. D'accord. Ah, ok. Mais bon, elle est heureuse. Mais c'est vrai que... Je pense aussi que quand on prend quand on prend des animaux de compagnie, il faut voir aussi un peu la taille de l'environnement dans lequel on vit. Parce que c'est vrai que moi, je vis dans un studio et je trouve que pour un animal, c'est vraiment pas assez, quoi. Mais même si c'est le minimum, avant, j'étais dans un endroit plus petit et l'espace, il était vraiment trop petit, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte. Et puis, il faut prendre en compte aussi les conditions financières, parce que ça, on peut tout de suite avoir des frais de veto aussi qui peuvent être élevés. Donc, c'est important de prendre ça en compte avant d'adopter quelqu'un. Faut être sûr d'être responsable pour la personne. C'est vraiment un raisonnement à faire avant, quoi. Ouais, exactement. Parce que c'est pas j'adopte un animal et puis 2 ans plus tard, merde, j'ai fait une connerie, je m'en débarrasse, quoi. Non, ouais. C'est plutôt j'adopte un animal et ça devient un membre de ma famille. Oui, exactement. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, mais récemment, après le succès de Games of Thrones, il y a eu une série de gens qui, par mode, se sont mis à adopter des huskies. Et du coup, une explosion, selon la SPA anglaise et américaine, des abandons de huskies, en fait, sur les routes. Ah bon? Donc, on voit à quel point, parfois, certaines personnes adoptent ou achètent des animaux et ne se responsabilisent pas du tout. Ces personnes, en fait, ce sont des individus à part entière. Ouais, ils ont adopté des huskies sur un effet de mode, mais ouais. Ils n'ont pas réfléchi de l'impact que ça entraînait, par exemple, de prendre un chien. C'est-à-dire... de le promener le matin, de le promener le soir, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Le problème pour les vacances aussi. Oui, les faire garder. C'est plein de paramètres à prendre en compte. Exactement. Et oui. Moi, je le vois quand il s'agit de faire garder mon chat, dès qu'il s'agit d'anticiper au-delà de 48, 72 heures, je me débrouille. Ou même, comme je vis dans une résidence étudiante, ça m'arrive de garder le chat des voisins. Oui. Et du coup, toi, ton rapport à l'antispécisme, c'est quoi pour situer un peu? Pour moi, l'antispécisme, c'est le fait de ne pas consommer d'animaux. Mmh. Toi-même, tu es vegan? Je suis végétalien, on va dire. D'accord. Parce que j'ai encore des produits d'animaux comme le cuir sur moi, mais je considère que je ne vais pas jeter mes rangers en cuir, mes ceintures en cuir, parce que je suis passé végétalien. Ça aurait mais pas ça, de ça. Sens. Oui, mais tu sais que ça rentre dans le cadre du véganisme. Hein. Le véganisme, c'est de ne plus consommer, mais ce que tu as déjà acheté, rien ne t'empêche de l'utiliser. Et ce serait d'ailleurs du gâchis, en fait, de jeter des choses qui ont déjà été produites. Ouais. À la limite, donner ou récupérer, c'est plus intéressant, mais tu n'as pas besoin de jeter. Non, non, tu vois, c'est je jette pas, et justement, je suis plutôt dans l'idée de les faire tenir pour les Rangers jusqu'au bout. Ouais. Parce que j'ai des Rangers qui ont 10 ans et qui commencent à vieillir un peu, mais c'est de les faire encore tenir 5-10 ans, quoi. Et je pense qu'elles auront rendu de bons services, quoi. Mais après, il s'agit de plus acheter de produits issus d'animaux et de passer sur du véganisme et sur l'alimentation, c'est privilégier l'aliment végétalienne et si possible l'alimentation végane parce que c'est pas les mêmes normes. Et c'est vrai que c'est déjà plus compliqué de trouver de l'alimentation végane parce qu'il faut aller dans le magasin bio et tout n'est pas végane, quoi. Mais bon, je pense qu'actuellement, Le véganisme, on est aux prémices, quoi. C'est une révolution commerciale. Et là, actuellement, il y a des produits, mais dans 10 ans, il y aura 10 fois, 100 fois plus de produits, quoi. Ouais. Et ouais, sur l'antispécisme, pour ma part, ouais, c'est de refuser toute forme de spécisme. Et pour mon chat, j'ai l'intention de lui donner des croquettes véganes si j'arrive à en trouver. Et s'il aime ça, et s'il aime pas ça, bah, je continuerai de lui donner ses croquettes au saumon. Après, les chats, c'est pas, ils ont des goûts personnalisés, mais c'est que... C'est-à-dire, on ne change pas de croquettes comme ça, quoi. Il faut y aller toujours en remplaçant d'un tiers une semaine, puis la deuxième semaine, on remplace de deux tiers les croquettes. Et ensuite de trois tiers, enfin, et ensuite on met les croquettes, mais je veux dire, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas donner tout d'un coup une nouvelle marque de croquettes, même de carnistes. Hein. Il faut pas. Ils doivent s'habituer au goût, en fait. Ok, bah, je savais absolument pas. Ouais, bah oui, mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir des goûts. On pense que les chats ont parfois des goûts très particuliers. Alors, d'habitude, c'est sûr que la nouveauté ne plaît pas forcément. C'est bon. Parce que je sais que pour mon chat, une fois, je lui ai acheté des croquettes au bœuf et c'est vrai qu'il a eu vachement de mal, quoi. Alors que ces croquettes au saumon, bah, il les dévore à une vitesse. Oui. Et quel a été le déclic? Est-ce que le déclic, il a été fait à travers des vidéos d'abattoir, à travers des photos, ou de façon plus intellectuelle, à travers des livres? Oui, bien, en fait, c'est un peu tout à la fois. J'en ai parlé justement aux membres d'Animalize pour savoir ce qu'ils en pensaient, ce qu'elle avait été le déclic pour nous, pour nous tous et nous toutes. Pour moi, c'était... J'ai assisté à un documentaire qui s'appelle Empathie et qui m'a révélé à l'époque ce que je ne savais pas, c'était que on broyait des poussins et on tuait des veaux pour l'industrie de l'œuf et du lait. Donc pour le lait, bah, le veau part abattoir parce que il est un sous-produit de la production du lait et sa naissance n'est que ce qui permet la production du lait, la lactation chez la mère. Et d'ailleurs, la vache part aussi à l'abattoir au bout de 4 ans, épuisée. Et dans l'industrie de l'œuf, le poussin mâle est broyé puisqu'il ne peut pas pondre. Donc, moi qui étais végétarien à l'époque, j'étais végétarien pour une cause écologiste, pas animaliste, mais du coup, quand j'ai su ça, quand j'ai su qu'on m'avait caché cette information, quand j'ai su que inconsciemment, par mes actes de consommation, je cautionnais la mort de ces êtres qui sont totalement innocents, et auxquels je ne voulais aucun mal, ben, ça m'a un peu indigné. Donc je me suis dit, non, je sors de la caution de cet élevage, de ce mode de production, et j'ai juste à cause, et militer pas seulement pour vegan. Mais ça passe aussi, donc en documentaire, on a Empathie, mais on a aussi Dominion, le film Dominion qui est sorti l'an dernier. C'est vraiment impressionnant parce que c'est des images d'horreur, finalement, la réalité de ce qui se passe dans les abattoirs, dans le monde entier. Et donc ça montre un peu tout ce qu'il y a. Et le film Earthlings aussi, qui est important parce qu'il montre tous les spectres de l'exploitation animale, que ce soit aussi, donc, en plus de l'élevage, dans l'expérimentation animale, dans les zoos, dans les cirques, et pour la production de vêtements, tout ça. Alors, en termes de ressources littéraires, on a des auteurs qui sont très importants, donc Gary Francione, Christophe Traini ou Martha Nussbaum, c'est des auteurs qui ont beaucoup apporté aussi pour comprendre théoriquement, en fait, l'antispécisme, mais même Mélanie Joy, qui a fait des conférences sur YouTube, on peut les retrouver, qui sont vraiment très intéressantes. Et voilà, donc il y a plusieurs cheminements intellectuels. C'est à la fois le fait de se rendre compte qu'on nous a caché les informations, depuis l'enfance, on nous a désensibilisés par la publicité, notamment. Hein, on voit la vache qui rit, les poules heureuses, tout ça sur les publicités, c'est assez hypocrite finalement. Et qu'on a internalisé le spécisme, en fait. Pour nous, c'est normal de consommer des animaux et on le justifie par tous les moyens quand on est confronté à notre dissonance cognitive, d'ailleurs. Je parle des gens qui consomment encore des animaux. Et du coup, donc c'est à partir du moment où on se rend compte qu'on est, on est plus être oppressif, sans le savoir, on se prend une claque et on ne cautionne pas ça. Et pour d'autres encore, c'est le fait de se dire que le véganisme ne suffit pas ou le végétarianisme ne suffit pas et qu'il faut agir, donc vraiment refuser toute exploitation animale, mais activement. Voilà. Et votre position sur les cirques ? Parce qu'actuellement, il y a une grosse bataille contre les animaux dans les cirques. Oui. Donc nous, on est abolitionnistes, donc on prône l'abolition de toute forme d'exploitation animale, donc ça inclut les cirques. Dans les cirques, on a des animaux qui sont enfermés, hein, donc, et qui sont utilisés, qui sont domptés, qui sont obligés à faire des numéros ridicules en échange d'une récompense et surtout qui sont maltraités parce que c'est par la contrainte qu'ils apprennent leur numéro. Donc les cirques, oui, on est contre tout cirque. Tous les cirques avec des animaux, que ce soit des animaux sauvages ou des animaux domestiques. Mais les cirques avec de l'art, des numéros avec des humains, au contraire, on encourage le développement de ces cirques-là parce qu'il y en a très peu en France et l'art du cirque est pourtant quelque chose d'assez assez fantastique, un univers qui est plutôt intéressant. Donc on trouve ça dommage en fait que cet univers-là soit perverti par l'exploitation animale et donc par des milliers d'animaux qui meurent aussi sous les coups de leurs dompteurs et dompteuses. Et du coup, dans la région de Strasbourg et aux alentours, s'il y avait un cirque qui devait s'installer avec des animaux, est-ce que vous feriez la démarche d'avertir le maire et de lui dire non, on ne veut pas de cirque avec animaux ? Oui, alors ça a déjà été fait par d'autres associations que nous. Et d'ailleurs, la ville de Strasbourg s'est engagée j'ai peur de dire une bêtise, je ne sais plus si c'est la ville de Strasbourg, si c'est une autre ville à côté, mais il y a certaines villes qui sont engagées sur le fait de ne plus recevoir de cirque. Et il me semble que Strasbourg avait dit qu'elle ne recevrait plus de cirque, mais il y a des cirques qui s'installent toujours. Il y a deux semaines, il y a le cirque Zavata qui est venu. Non, pardon, le cirque Arlette Grus. Et Zavata est actuellement dans la banlieue de Strasbourg, mais le cirque Arlette Grus est venu à Strasbourg. Et il y a eu une intervention de l'association 269 Life France. Et en fait, les circassiens sont extrêmement violents et répressifs envers les militants. Et ça s'est terminé en lynchage. Il y a eu deux militants qui ont été frappés. Il y en a un qui s'est retrouvé à l'hôpital avec 5 coups de pelé et le visage tuméfié à cause des coups qu'il a reçus. Du coup, c'est une répression qui est folle, en fait. Il y avait pourtant la police, c'était une manifestation qui était déclarée. Mais on fait des actions anti-cirque. Nous, on a déjà organisé une action aussi animalise contre le cirque de Alexis Grus, qui avait fait un numéro à Strasbourg, au Zénith de Strasbourg, seulement avec des chevaux. Donc c'est des animaux domestiques. Donc si aujourd'hui on interdisait le cirque avec animaux sauvages, ce cirque continuerait d'exister. Il y avait 40 chevaux sur scène, en scène, quoi. Et on a fait une action coordonnée avec aussi l'association 269 Life France contre cet événement. Ouais. Donc les actions, parfois c'est des actions qui visent à sensibiliser le public. Donc là, on va plus être dans le dialogue et d'autres actions où on cherche un impact visuel. Donc par exemple, les performances qu'on faisait sur le campus. Où on défilait avec des attachés enchaînés avec des masques de singes, ou alors les actions de sensibilisation qu'on faisait dans les amphis où on parlait directement avec les étudiants. Voilà. All the accidents that happen fall over dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. river gets low and you push me up to the state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. Oh, that no one sees, you see what's inside of me. Every nerve that hurts, you hear. If it's inside of me, ooh, you don't have to speak. I feel emotional landscapes that pass for me on cues. Yeah, yeah, riddle gets old and you push me up to. Si l'antispécisme est une lutte très importante, il semble nécessaire de réaffirmer que la lutte contre le capitalisme et contre le néolibéralisme est très importante, puisque c'est par cette dernière que on permettra de faire tomber le système. Et quand je parle de système, je parle de l'exploitation du prolétariat et de la classe dominée, à savoir les salariés. Et dans ce cadre, je pense que on a pu l'entendre au cours de cette émission. On a donné beaucoup la parole aux animalistes, aux antispécistes, mais il ne faut pas oublier de là d'où on vient. Et dans l'émission Tu la sens la liberté, on sait que mettre à mal le système antispéciste ne permettra pas de mettre à plat le système capitaliste, bien que les deux soient liés, parce que le système spéciste vit du système capitaliste, et que le capitalisme a besoin du système spéciste pour perdurer une certaine forme d'exploitation, et qu'on se rend compte qu'à travers ce bout de cheminement, que finalement le système capitaliste, à travers le véganisme, comme on l'a vu à la Vegan Place de la place de la République le 8 juin, que le véganisme en soi est une formidable opportunité pour les capitalistes dans le cadre d'une certaine forme de greenwashing. Et c'est vrai que le greenwashing, c'est quand même un véritable problème de fond, parce que on le sait très bien, le greenwashing, c'est du capitalisme vert, et que il y a des entreprises qui sont prêtes à tout pour reverdir leur image. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais il existe la viande artificielle. Je ne parle pas de la viande de substitution végétale comme par l'entreprise Beyond Meat, mais il existe actuellement de la viande faite par un incubateur qui sont faits par des prélèvements de cellules musculaires de vaches ou de moutons ou de porcs. Et on se rend compte que on nous vante beaucoup cette technologie, et il y a des entreprises comme Google ou Microsoft qui s'intéressent beaucoup à cela, parce que cela réduirait cela réduirait l'exploitation animale, mais on se rend compte que c'est totalement faux. Et voilà, du coup, on va terminer cet épisode pour essayer de rester dans les temps. On va se mettre de musique. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière. Le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste. En groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis les fautes qu'on